Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Xavier est installé à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 51, à l'écoute des musiques du monde. Dis-moi, Xavier, un problème de calcul. Tiens, ça va pas trop dur pour toi. Patchwork 51. Cerise 49. 51 plus 49, ça fait combien? Eh bien, c'est la centième aujourd'hui. Merci donc à Radio Fagette de nous avoir fait conscience. Et merci aux auditeurs de nous avoir accompagnés. Et merci à toutes les personnes qui ont participé, soit à Patchwork, soit à la cerise sur les cantos. Quoi qu'il en soit, la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Hongrie. Trois coups de chapeau au groupe musical hongrois Chic Zenakar, une promenade en chanson française autour du mot tzigane, et bien entendu le tout étoilé de zouk effréné. Comme d'habitude, on commence par le zouk. Originaire des Antilles, Martinique et Guadeloupe, Stevie est un chanteur-interprète, mais non, pas Stevie de la Tarac, alors, est un chanteur-interprète, auteur-compositeur, réalisateur et ingénieur du son, et il défend envers et contre tout la musique qu'il aime, la peine totale, Stevie. C'est pas la peine frapper, moi ça vous voulez rentrer, vous décidez aller, alors nous pas besoin parler. C'est pas parce que moi qu'a souri que la vie moi plus belle. Alors pâti loin. Moi qui ni mal, le péché là, ça vrai. Mais ça guérait, oui, sans vous. Moi qui était assise, attendez si cicatrisé. Moi qui était assise. Bien confiné, sans garder moi. Tu gardes-moi. La République parlementaire de Hongrie se situe en Europe centrale et les pays voisins sont l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie. 10 millions d'habitants, avec comme capitale Budapest, 1 750 000 habitants. La Hongrie, membre de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'ONU. Après des années de discrétion, l'extrême droite hongroise s'est illustrée ces dernières années par des démonstrations de force. Le retour au pouvoir de Viktor Orban, après 8 années de gouvernement socialiste, s'inscrit dans le prolongement nationaliste. On y parle le hongrois et la monnaie et le forint. La Hongrie est dotée d'une économie capitaliste, mais garde un secteur public encore très important. Comme de nombreux pays anciennement communistes, son modèle productif a longtemps été dominé par l'industrie, fabrication de camions, d'autobus, de matériel ferroviaire et de moteurs. La Hongrie se distingue dans le secteur de la recherche et de l'innovation technologique et elle compte 4 prix Nobel quand même. Côté agriculture, la viticulture est très bien développée et les autres productions sont le maïs, le blé, l'orge, l'avoine, le tournesol, le pavot, la pomme de terre, le millet, la betterave, le lin et le fameux piment paprika. Les fruits, pommes, poires, pêches, raisins, abricots, pastèques et melons. Les personnalités hongroises, en peinture, on pensera à Victor Vasarely, en musique Franz Liszt, et en musique traditionnelle hongroise, le groupe musical Chic Zenakar. Le taux de chômage est de 3,8% et le salaire moyen mensuel est de 800 euros. Ah, je vais essayer quand même de vous faire le titre. Mais alors, pardonnez mon accent. Keserv es Kezesek, Karpata Folk Muili. Să ciocnești, mă. Ia mai toarnă părere, că mi-e tare. coup de chapeau à Chic Zenakar. Chic Zenakar, c'est un groupe de musique hongrois fondé en 1988. Il est considéré comme le groupe de musique folklorique le plus populaire de la scène hongroise, bien qu'il ne soit que très peu connu à l'étranger. Alors ça s'appelle Silag Vagy Fecs, Chic Zenakar. Kispány és a borzenekartól a csillag vagy fecske! Na és aztán következik Kis Tibor, a Quimby zenekar igazi jónótejval, sehol se találok, és a Maspoli pontosan! je n'ai pas de maison. Et je crois que mon ami le Tzigane est un peu comme moi. Tzigane, Tzigane, pareil à un oiseau de passage, tu es loin quand tu reviens le matin. Tzigane, Tzigane, nous sommes du même voyage. Tzigane, Dalida. Sur tous les chemins, qu'il pleuve ou qu'il vente, je passe des jours et des nuits. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, c'est la vie que j'ai choisie. Et j'ai pour jardin la plaine qui change sa robe au retour des saisons. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, pour y faire des moissons d'horizon. Moi je n'ai pas de maison et malgré tout je crois, oui je crois, que mon ami le Tzigane est un peu comme moi, Tzigane, Tzigane, pareil à l'oiseau de passage. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Toi tu es déjà loin. Le matin, Tzigane, Tzigane, nous sommes du même voyage. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Sans peur des lendemains, dans la main du destin. Parfois je me dis qu'à force de suivre les routes du monde, ne va nulle part. Mais je ne crois pas qu'il y ait une ville où si je m'installais pour toujours, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, je trouverai un jour le bonheur et l'amour. Déjà loin, aux lueurs du matin. Tzigane, Tzigane, nous ferons le même voyage. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, sans peur des lendemains, jusqu'au bout du chemin. La, la, des lendemains jusqu'au bout du chemin. Que faire en Hongrie? D'abord à Budapest, se baigner. Ouais, ouais, se baigner, même en hiver, dans la piscine extérieure des bains Széchenyi, se balader entre nostalgie et poésie dans le quartier juif. Errer de kert en kert, ces cafés alternatifs et culturels qui ont fleuri dans les quartiers désaffectés. S'émerveiller des mille et un détails du style Art Nouveau. Participer au Sziget Festival, la plus grande manifestation musicale et théâtrale en plein air d'Europe centrale. Sept tours, symbolisant les sept tribus magyares, conquérantes, hommage aux pêcheurs, chargés de défendre un côté du rempart. L'église Mathias Templon et ses tuiles vernissées. Le pont des chênes, suspendu entre les deux arcs de triomphe, et par ailleurs remonter la boucle du Danube en bateau, plongée au milieu des nénuphars dans les eaux thermales du lac de Ibize. faire la tournée des vignerons à Tocage. Ah, un mot intéressant au Scrabble qui peut s'écrire T-O-K-A-Y. Eh oui, ou T-O-K-J. Ou T-O-K-I. Passez la nuit dans une chaumière à Olloco. Allez goûter au plaisir de la plage sur les rives du lac Balaton, le plus grand lac d'Europe en dehors de la Russie. Allez, une chanson qui comporte dans son titre pas moins que 5 J. Ajajaj, Kimbi. Rogosaki, és ködbe iázik a szamár, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mamima még hazavár. Ragad a hajnal, sipped a beton, és visszafele forog a földtől. Egy angyal zúg le a gangról, mert az ú, a bánat rostás karjába dől. Nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Dugd le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, fél és nyuszi csak a kalapban. Az ereinkben lüktet a vér, rezeg az emberben minden atom, és csak azt éved el, aki él. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeide. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Hajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Hajjajjaj, hajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, félős tüszi csak a kalapban. Ajjajja, ajjajja, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajja, ajjajja, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palacban. Deuxième coup de chapeau, Achik Senakar. Adamosi Chardas, Esfris, Chik Senakar. Oh! chanter comme un tzigane dans les flammes d'un grand feu qui nous entraîne, chanter comme un tzigane pour que tu puisses lire dans mes yeux combien je t'aime, une chanson de 1993, Tzigane, Frédéric François. J'ai dans la tête des violons qui dansent, une envie de faire la fête, le cœur en vacances, et partir sans bagage pour voir d'autres visages avec les gens du voyage. Chanter comme un tzigane dans les flammes d'un grand feu qui nous entraîne. Danser comme un tzigane, que tu lises dans mes yeux combien je t'aime. Comme dans ton regard, cette ligne du destin où va notre histoire. Viens dans ma bohème et tu seras reine d'un amour inaccessible. Chanter comme un tzigane dans les flammes d'un grand feu qui nous entraîne. Je t'aime. Jouer plus fort qu'un cigale, des guitares au corps de femme sous mes doigts. Aimer comme un cigale, de toute une vie de tendresse dans tes bras. Sur les cordes d'un violon, je ferai planer ton âme, je porterai l'émotion dans ton cœur de femme. J'irai chercher en toi la ferveur et la foi d'un amour qui me fera chanter comme un tzigane dans les flammes d'un grand feu qui nous entraîne. Que mange-t-on en Hongrie? Alors, il faut commencer déjà par le paprika. Paprika, piment, poivron, c'est l'âme de la cuisine hongroise. Puis alors, il y a les soupes. Bableve, une soupe hongroise d'haricots blancs. Le goulash, le plat le plus connu en Hongrie, servi sous forme de potage épais, savoureux. Il fait souvent office de plat unique. Les ingrédients de base sont de la viande, des poivrons, oignons, pommes de terre et paprika, et quelquefois agrémentés de haricots blancs. Les crêpes farcies avec de la viande, des oignons et des champignons. Le halászl, la bouillabaisse de poivrons. L'angos, le beignet hongrois, gras, épicé et salé. Un beignet plat sur lequel on ajoute de l'ail écrasé, de la crème aigre et du fromage. Ça, c'est pour avoir bonne haleine. Les poissons, ben, ce sont les poissons d'eau douce, hein, Danube oblige. Le porc-loup, le ragoût hongrois, viande accompagnée de sindou, de crème aigre, paprika et oignon. Poulet au paprika, bah oui, ça du paprika, on en trouve partout. Accompagné de petits gnocchis, libamac, le foie gras à la hongroise, il se consomme frit ou grillé avec oignon et sauce, et il s'accompagne d'un vin liquoreux à base de pourriture noble de Tokay Azu. Une partie du foie gras français est importée de Hongrie d'ailleurs. Eh oui. Pour les desserts, crêpes fourrées aux noisettes, raisins secs, écorce d'orange, confites et chocolat. Des rétès, le strudel hongrois, ce sont des sortes de chaussons fourrés de pommes à la cannelle et aux fruits frais. Curto salax, la brioche hongroise, longue, parfumée à la fleur d'oranger, aromatisée de cannelle, sucre, chocolat, noisette, amande. Les vins hongrois particulièrement appréciés, le plus connu bien sûr c'est le Tokay. Et puis on va parler de l'unicum, également l'unicum, connu pour son extrême amertume, rappelant la liqueur d'artichaut et qui fait penser au Fernet Branca, la liqueur idéale pour soigner la gueule de bois. Niari Este, Bogna Slivia. Troisième coup de chapeau à Chic Zenakar, mode moulik pontosan, Chic Zenakar. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé belőlem, hallgatnék tovább veled az égen. Az álmok foltos indiánován, egy tágos szívre meg a konyha késben, talpa maradt sár és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol, meretten nézek a távolba otthonom kőpokon, szilánkos mennyország, folyékony torz tükör, Szent János kovara fényében tündököm. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Kifelé belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ez tényleg szerelem. Hélène Martin est une chanteuse française, auteure, compositrice, interprète, qui a consacré sa carrière à la mise en musique et à l'interprétation de la poésie. C'est une chanson de 1963 qui vous est présentée. On dira bien que les tziganes font revivre les cœurs perdus. C'est une histoire pour les dames. N'en parlons plus, n'en parlons plus. Tzigane, Hélène Martin. Le cœur est fait de mille corps qui se brisent en même temps. Ça fait un bruit épouvantable, puis plus jamais on ne l'entend. Dans la forêt, c'est un grand arbre, les oiseaux y chantaient dedans. On en fait du bois pour les tables, les chiens s'y aiguisent les dents. On dira bien que les tziganes font revivre les cœurs perdus. C'est une histoire pour les dames. N'en parlons plus, n'en parlons plus. Le cœur est fait de mille cordes qui se brisent en même temps. Ça fait un bruit épouvantable, jamais on ne l'entend. On dira bien que les tziganes font revivre les cœurs perdus. C'est une histoire pour les dames. Parlons plus, n'en parlons plus. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est une histoire pour les dames. N'en parlons plus. Que rapporter d'un voyage en Hongrie? Bah, du paprika, bien sûr. Alors, rond, allongé, frais ou séché, en guirlande, en poudre, en purée, doux ou fort, mais il faut ramener du paprika. De l'eau de vie de palinka, à base d'abricots, de prunes ou d'autres fruits. Une bouteille d'unicum, pour ceux qui aiment, il paraît qu'il y a de vrais amateurs, à leur santé, avec modération. Une bouteille de Tokai, Azu, le paradis, à boire avec modération aussi. Et puis de l'artisanat local, maroquinerie et objets en bois. Des nappes et des broderies, produits très colorés, aux motifs blancs sur fond bleu, également pensez aux nappes de Noël et aux nappes blanches brodées. On peut ramener aussi de la porcelaine ou du cristal, des produits de grande qualité pour un prix très raffiné, pour le cristal de Bohême, vendu également en Hongrie. Ne pas oublier de ramener un ensemble de verres d'Ashka pour déguster l'excellent Tokai. Du caviar, eh oui, et pourquoi pas, un prix défiant toute concurrence. Des matryoshka, des poupées russes, mais hongroises, vendues cher. Pour bien moins cher, des magnettes en forme et aux couleurs des matryoshka pourront quand même orner votre réfrigérateur. Ezosto, Nagi, Shajo, Paila, Bea. Dum-ba-dum-ba-ba-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum C'était au Francofolie de La Rochelle. C'était en 2005, dans le cadre des Dom Tom Follies, Jou Tsigan Deji. Dans un bar de Paris, l'homme à l'accordéon faisait danser les filles, des pauvrettes en jupon. Loin de son agrume natale, séparé de son clan, dans des geôles infâmes d'un président tyran. Mais joue tzigane, sans guitare, sans violon, pour que tournent les dames au son de l'accordéon. Mais joue tzigane, chante-nous ta chanson, et conte-nous le drame de ton peuple gitan. Il chantait pour sa femme, morte dans une prison, sous la trique des gardes, malgré son ventre rond. Dans ses yeux une larme trahissait l'émotion de cet homme blafard, meurtri par des matons. Mais joue tzigane, sans guitare, sans violon, pour que tournent les dames au son de l'accordéon. Mais joue tzigane, chante-nous ta chanson, mais conte-nous le drame de ton peuple gitan. Mais un soir à Paname, l'homme à l'accordéon s'est épris d'une caille, d'une sauterelle d'édredon. En guise de sérénade, il écrit une chanson pour que la belle caille s'en déprenne à présent. Mais joue tzigane, sans guitare, sans violon, pour que tournent les dames au son de l'accordéon. Mais joue tzigane, chante-nous ta chanson, et conte-nous le drame de ton peuple gitan. Conte-nous le drame de ton peuple gitan. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 51 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir accompagnés. Vous retrouverez le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fajette Nancy. Le prochain Patchwork, ça sera dans 15 jours, mais nous serons là dimanche prochain pour la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fajette Nancy 94.2, c'est pour les Lorrains. Et radiofagette.net en ligne, ça c'est pour les autres Européens. Allez, nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.